إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد. Donc pour cette première assise, pour ce premier cours, inshallah, on va débuter l'étude d'un nouveau livre. Donc on a choisi comme étude, comme nouveau livre, un livre dédié au domaine du monothéisme, au domaine du tawhid. C'est une partie de l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc ce n'est pas l'étude de tout l'authentique, de tout le jami' al-sahih de l'imam Ibn Ismail, Mohammed Ibn Ismail al-Bukhari, mais une partie. Vous savez que l'authentique de l'imam al-Bukhari se compose de livres et de chapitres. Et à titre d'exemple, l'auteur, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a commencé avec le chapitre le livre de la révélation, ou Kitab al-Iman. Kitab al-Iman. Le livre aussi de la croyance, de la foi. Et il a conclu, donc il va mentionner des livres et des chapitres, et il a conclu son authentique avec le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Donc il a recueilli et répertorié, compilé des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wa salam. Donc l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah, a dédié un chapitre dans le domaine du monothéisme du tawhid. Et Kitab al-Tawhid, comme on le verra à travers l'étude de ce livre, hein, Kitab al-Tawhid, ce livre à la base, Kitab al-Tawhid, était une réfutation pour la doctrine de Al-Jahmiya, cette doctrine célèbre qui émergeait dans les premiers siècles de l'islam, qui s'est nommée Al-Jahmiya, du fait qu'ils étaient partisans et suiveurs, adeptes de cet homme qui se nommait Jahm ibn Safwan, et de Al-Mu'tazila, et de la doctrine des Mu'tazilites. Et de ce fait, l'imam al-Bukhari, à travers l'écrit, la rédaction et la compilation de ses récits, alors il va dédier ce chapitre sur l'unicité, et c'était une réfutation aussi aux Jahmites et aux Mu'tazilites. Et donc, il n'y a pas une meilleure manière pour apprendre le tawhid et le monothéisme, si ce n'est de prendre ce savoir et cette science directement des sources du Coran et de la Sunna, comme on le fera à travers l'étude du livre de l'unicité du grand savant, illustre savantissime, le grand traditionniste, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et pour comprendre ce livre, donc beaucoup de savants l'ont expliqué. Ils ont expliqué ce livre et ils l'ont commenté. Beaucoup de savants ont fait cela. Et parmi il y a des savants qui sont anciens et aussi il y a des nouveaux savants, ou plutôt des savants contemporains. Donc les savants anciens ont pris soin et ont été attentifs de commenter ce livre-là, et aussi certains savants contemporains, comme très récemment le grand savant de Médine, l'illustre Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, rahimahullah, lorsqu'il a conclu toute son explication, l'étude complète de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et à la fin, donc, il a conclu son explication et son commentaire avec l'enseignement et l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Et aussi, parmi certains savants contemporains, ceux qui ont commenté aussi cette partie-là, cette partie de Kitab al-Tawhid, le grand savant illustre Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et ce livre-là et a été édité. Donc à la base, c'était des cours qu'a dispensé Cheikh Ibn Uthaymeen, qui étaient audibles. Ensuite, c'était retranscrit. Ensuite, c'était édité. Et donc, c'est paru en un volume. Donc, c'est un volume qui est assez volumineux. Et nous, ce qu'on fera, avec la permission d'Allah, on essaiera de résumer, de prendre ce qui nous est profitable et bénéfique et utile, Inch'Allah, pour pouvoir avancer, de résumer justement le commentaire de l'illustre savant, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc on a choisi le domaine de l'unicité. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, son but et son objectif dans cette vie d'ici-bas, c'est de réaliser ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et Allah nous a créés pour l'adorer. Allah nous a créés pour qu'on pratique, qu'on réalise le culte pur, exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration à Allah jalla wa ala, le monothéisme pur. Et donc cette adoration doit être vouée à lui exclusivement et purement. Et si vous observez les différentes communautés précédentes, aucune n'a été épargnée d'avoir sombré dans les abîmes du polythéisme et dans les formes de shirk. C'est pour cela que les communautés précédentes ont toutes dévié du message de leurs prophètes et de leurs messagers. Toutes les communautés précédentes, aujourd'hui, on ne trouve aucun adepte et partisan, aucune communauté précédente qui sont sur un monothéisme et sur le tawhid pur. Et même la communauté musulmane n'a pas été à l'abri et infaillible de sombrer, de tomber dans des formes de polythéisme. C'est pour cela que lorsqu'on observe le monde musulman, on trouve que dans de nombreux, si ce n'est la majorité, des pays musulmans, on voit que des formes de polythéisme sont propagées dans ces pays-là, ont émergé dans ces pays, et on voit que beaucoup de musulmans s'adonnent à des pratiques du temps du paganisme et de l'jahiliya, du temps pré-islamique. Donc, même les musulmans n'ont pas été à l'abri de dévier du message de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de dévier du monothéisme pur. Alors que c'est le but et l'objectif pour lequel on a été créé. Allah nous dit dans un verset qui est célèbre: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc l'objectif de cette vie d'ici-bas, cette vie n'est qu'un passage, nous sommes de passage dans cette vie d'ici-bas, et on est en train de préparer justement une vie de l'au-delà qui est éternelle. Et notre but premier, ce qui est prioritaire, hein, c'est réaliser cette adoration pure et exclusive à notre Seigneur qui est unique. Et le prophète nous a informé justement d'un groupe de la communauté parmi les musulmans qui ne cessera d'être fidèle aux prescriptions et aux recommandations et aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Wa hadha ila qiyam as-sa'ah. Et cela jusqu'à l'arrivée de l'heure. Donc Allah Jalla wa Ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de ce groupe, de la communauté, qui ne cessera d'être sur la vérité et qui ne cessera d'œuvrer et de cheminer sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc c'est pour cela que même notre communauté n'est pas infaillible. Les musulmans ne sont pas infaillibles. Ils peuvent sombrer dans des formes de polythéisme. Donc il faut se préserver, se prémunir, que ce soit des formes de shirk, de polythéisme qui touchent les convictions, ou que ce soit des formes de polythéisme qui touchent les propos, ou que ce soit des formes de polythéisme qui touchent les œuvres et les actions. On doit se prémunir, et cela se fait en apprenant, cela se fait avec l'apprentissage. Et l'une des meilleures manières pour apprendre cela et comprendre cela, c'est d'apprendre directement à travers les sources du livre d'Allah, qui est le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Surtout en période de confinement, comme on le constate, on vit une période qui est inédite en ce temps. Pas par rapport au siècle, aux générations précédentes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire, les siècles, les générations précédentes ont connu des périodes similaires, des périodes même voire pires. Des périodes, voire même pire, le fait que des épidémies, des pandémies se propagent, cela est connu, et les générations précédentes ont connu cela, des épidémies qui ont fait des milliers, voire des millions de morts, cela est connu, et cela Lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte de ces faits historiques. Mais en ce qui concerne notre génération à nous, c'est que ce qu'on vit là, c'est quelque chose d'inédit. Le fait que dans la majorité des pays du monde, les gens sont confinés et donc s'isolent chez eux. Et pour nous, on le prend comme une miséricorde de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour nous, cela est une miséricorde, c'est une occasion. C'est une opportunité pour se rapprocher d'Allah. C'est une opportunité pour celui qui était plongé dans un coma. Combien de gens, avant que arrive et vienne cette épreuve de la part de notre Seigneur, cette chose qu'Allah Jalla wa Ala a décrétée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une chose qui se passe dans cet univers sans qu'Allah Jalla wa Ala les prédestiné, les décrété. Avant même la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, Allah Jalla wa Ala avait tout consigné. Et donc tout a été décrété. Rien ne se produit dans cet univers si ce n'est que cela a été prédestiné, décrété de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Le croyant sait que rien ne peut l'atteindre dans cette vie d'ici-bas, si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a prédestinée. Et en période d'épreuve, le musulman doit se rappeler cette question-là, ce fondement, cette base fondamentale de sa croyance, le fait que tout ce qui se passe dans cet univers, eh ben, fait partie du décret d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala huwa al-mudabbir. Allah est celui qui administre cet univers. Allah Jalla wa Ala est celui qui gère cet univers. Et Allah Jalla wa Ala n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait, mais les hommes, eux, seront interrogés. Et celui qui gère cet univers, celui qui éprouve les hommes, celui qui éprouve les croyants et les non-croyants, qui éprouve les hommes et les êtres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait ce qu'il veut. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. C'est pour ça que dans un verset, Allah nous dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dit, rien ne saurait nous toucher si ce n'est une chose qu'Allah jalla wa ala a prédestinée, a décrétée. Et dans un verset, Allah dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nulle âme ne pourrait mourir si ce n'est celle qu'Allah Jalla wa Ala a permis, a décrété. C'est-à-dire que une âme ne peut mourir tant que son délai prescrit ne l'atteint pas. Allah dit dans un autre verset, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Et le commandement d'Allah, traduction relative du sens du verset, et le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Et Allah dit dans un autre verset, كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. كُلَّ شَيْءٍ, toute chose, أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, toute chose a été dénombrée, فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. C'est pour cela que le croyant se fait toujours lorsqu'il y a des épreuves, des sortes de calamités, des malheurs qui s'abattent sur terre, des épreuves, il se remémore toujours cette chose-là, que rien ne se produit dans le royaume d'Allah si ce n'est par sa permission et si ce n'est par un décret. Le commandement d'Allah, Jalla wa Ala, est un décret qui est inéluctable. Et en ce qui concerne le croyant, cette épreuve-là qui s'abat sur les êtres, pour nous on le prend comme une miséricorde. C'est une miséricorde pour le croyant. Du fait que Allah Jalla wa Ala a donné ces moments-là qui sont précieux pour la vie du croyant. Car comme on l'a dit précédemment, le croyant dans cette vie d'ici-bas, c'est qu'il est de passage et il est en train de préparer sa vie dans l'au-delà. Cette vie qui est éternelle. Et sachez que il n'y a pas une seconde, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un mois de votre vie qui s'écoule sans que celui-ci revienne. Aucune minute qui s'écoule, chaque minute de votre vie qui s'écoule, elle ne reviendra jamais. Chaque minute, chaque heure, chaque instant, chaque jour qui s'écoule de votre vie, ce sont des jours qui ne reviendront jamais. Ce sont des minutes, des secondes, des instants qui ne reviendront jamais. Et cela dénote ici l'importance du temps et que le temps est précieux. Si le temps était à vendre, alors les salafs nous disaient, nos pieux prédécesseurs, disait si le temps était à vendre, alors il l'achèterait. Parce que c'est quelque chose de précieux qui ne se vend pas. Et Allah Jalla wa Ala nous a donné du temps. En période de confinement comme celui-ci, avant cette période-là, on a vu beaucoup de gens qui étaient plongés dans un coma profond. Déjà, on parle de notre communauté chez beaucoup de musulmans, dans un coma profond, dans une routine profonde. Beaucoup de gens, par rapport à leur vie active, par rapport à leur routine, alors étaient négligents, délaissaient leur prière, ne priaient pas leur prière à l'heure, ils n'ouvraient pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne lisaient pas dans la biographie du prophète, ne lisaient pas les hadiths du prophète, ensemble, n'apprenaient pas comment réaliser un culte et une adoration pure et exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup de gens étaient négligents, beaucoup de gens ont délaissé leur devoir qu'ils se doivent d'accomplir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et face à cette négligence-là, face à ces manquements, face à ces déficiences-là, Allah aujourd'hui donne à ces individus l'opportunité, l'occasion ici de se rattraper, l'occasion de prendre du recul, l'occasion de se recueillir et de revenir tout repentant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a eu des manquements, celui qui a fauté dans le passé, celui qui a délaissé le devoir ou des devoirs qu'il devait envers son créateur, celui qui l'a créé, celui qui a tout donné, celui qui lui a tout donné, celui qui lui a accordé cette subsistance dans cette vie d'ici-bas, celui qui l'a comblé de ses bienfaits, celui qui voit qu'il a eu des déficiences, des manquements par rapport à ses devoirs qu'il devait envers son créateur, alors c'est le moment, pendant cette période-là de confinement, de se rattraper, de demander le pardon. Toubou ilallahi taubatan nasuha. Allah nous dit, repentez-vous envers Allah, repentez-vous envers Allah d'un repentir sincère. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une miséricorde. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé ces moments aux croyants. Beaucoup de gens se plaignaient de ne pas avoir de temps pour eux-mêmes. Beaucoup de gens se plaignaient de ne pas avoir de temps pour leurs enfants, de ne pas profiter de leurs enfants par rapport à cette vie active qu'ils menaient. Beaucoup de gens se plaignaient de ne pas avoir de temps pour leur Seigneur, pour l'accomplissement de leurs devoirs et de leur adoration. Beaucoup de gens se plaignaient de ne pas avoir de temps pour leurs parents, pour leur famille, pour eux-mêmes. Beaucoup de gens se plaignaient de ne pas passer assez de temps chez eux, dans leur foyer. Aujourd'hui, Allah Jalla wa Ala vous donne ce temps-là. Alors c'est pour ça qu'il faut le saisir. C'est une occasion qu'il faut saisir. C'est une opportunité. Et cela est très important. Alors ces gens qui se plaignaient de ne pas avoir de temps, par exemple, pour lire le livre d'Allah, aujourd'hui vous avez du temps pour ouvrir le livre d'Allah, pour méditer ces livres. Allah, dans le Coran, nous dit dans un verset, une traduction relative, est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran ? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ? Est-ce qu'ils ne méditent pas les versets d'Allah, le Coran ? Et donc là, c'est une occasion pour celui qui ne mémorisait pas les versets, c'est une occasion de mémoriser. Pour celui qui voulait, par exemple, apprendre l'arabe, avoir du temps pour apprendre l'arabe, c'est une occasion pour apprendre. Pour celui qui voulait lire dans la biographie du prophète, connaître mieux son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le moment pour celui qui n'avait pas beaucoup de temps à donner à ses enfants. C'est le moment pour celui qui n'avait pas beaucoup de temps pour lui-même. C'est le moment pour celui qui voulait du temps pour prier Allah, pour faire des adorations, pour remplir, observer les devoirs qu'il devait envers son Seigneur. Alors c'est le moment. C'est pour ça que c'est une miséricorde pour les gens doués de raison. C'est pour ça qu'il nous est rapporté de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il disait, Al-amradu mawasim al-uqala yastadrikuna biha ma fat min fawaritihim wa zallatihim min fawaritihim wa zallatihim wa in kanu min arbab zallat in kanu min arbab zallat wa yastaziduna min ta'atihim in lam yakunu arbab zallat. Pour ça, l'imam Ahmed, il nous disait que ces périodes d'épidémie, ces périodes de maladie, eux, il est considéré comme mawasim al-uqala. Al-uqala, ce sont les gens sages. Ce sont les gens doués de raison. Pour eux, les périodes d'épidémie, de propagation d'épidémie, pour eux, c'était une période pour les gens sages. C'était une période pour ceux qui étaient doués de raison. C'était une opportunité. Alors, il disait, يَسْتَدْرِكُونَ بِهَا مَفَاتَ مِنْ فَوَارَطِهِمْ وَزَلَّاتِهِمْ. Et ils se rattrapaient justement par rapport à leur manquement, par rapport à leur négligence. C'était une période donc qu'ils allaient saisir cette opportunité pour rattraper leur manquement. فَقَالَ, et regardez ce qu'il dit, إِنْ كَانُوا مِنْ أَرْبَابِ الزَّلَّاتِ. Si c'était des gens qui avaient des fautes, par contre, qui étaient fauteurs, par contre, s'ils n'avaient pas ces fautes-là, si c'était des gens qui étaient fervent dans l'obéissance à Allah, alors il disait, il saisissait cette occasion-là, يَسْتَزِدُونَ مِنْ طَاعَتِهِمْ. Alors il saisissait cela et il rajoutait d'obéissance à Allah, de leur obéissance. إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَرْبَابِ الزَّلَّاتِ. Si ce n'était pas des fauteurs. C'est pour cela qu'il faut savoir que cette manière de se confiner pour se prémunir et se préserver de ces épidémies, ces pandémies qui sévissent, c'est pas une nouvelle manière. C'est pas une méthode contemporaine qui est nouvelle pour se préserver et se protéger. Mais bien au contraire, cela était connu dans les premières générations. Les premières générations, déjà à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, les compagnons observaient cela. Pourquoi? Parce que c'était justement une recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on voit que le fait de se prémunir, de se préserver, de se mettre à l'abri, de s'isoler en période de propagation d'épidémie, de peste, ou de pandémie, ou de maladie, qui sont parfois dévastatrices, eh ben, ça faisait partie de la sunna du prophète, alayhi salat wa salam. Donc vous avez vu, c'est quelque chose qui est à la base, qui est légiféré. C'est quelque chose de, à la base de légiféré. Regardez dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Il y a une bonne nouvelle que nous annonce le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le prophète, en somme, justement, il nous parle de cette période où des épidémies, des maladies peuvent se propager. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande en disant, dans une traduction relative du hadith, il n'est pas un serviteur qui soit dans un pays touché par la peste, qui reste chez soi et ne sort pas en étant patient et en espérant la récompense, tout en sachant que ne l'atteindra que ce qu'Allah lui a prédit, sans qu'il n'ait pour cela la récompense d'un martyr. Ce hadith est jugé par les grands spécialistes comme authentique. Donc regardez, le prophète sallam nous a enjoint cela, a recommandé à sa communauté que s'ils sont dans une terre qui est touchée par la peste, alors qu'ils restent chez eux et ne sortent pas. Et ensuite il va les décrire avec trois caractéristiques. Donc ces gens-là, il faut qu'ils aient ces qualités-là, ces caractéristiques-là. Premièrement, il dit, ils sont patients. Ils vont patienter. Alors qu'ils s'isolent et qu'ils se confinent pour pas être touchés, pour se préserver de cela, ils patientent. Ensuite, le prophète, la deuxième chose qu'il dit, deuxième caractéristique, ils espèrent la récompense. Donc, ils se préservent tout en patientant, premièrement. Deuxièmement, ils espèrent la récompense. Et troisièmement, ils savent que rien ne pourrait les atteindre si ce n'est une chose qu'Allah a prédit et a prédestinée. Donc ça revient à notre croyance du destin. C'est pour ça que la croyance au destin, comme on a dit, c'est quelque chose d'une base fondamentale et essentielle dans la croyance du croyant et de la croyante. C'est pour cela qu'à l'époque, il est rapporté de Abdallah ibn Abbas qui disait « Al-Qadr, Nizam, Al-Tawhid. » Nizam, Al-Tawhid. Le Qadr, la croyance à la prédestinée, c'est le règlement du monothéisme du Tawhid. Donc regardez, cette personne qui vit dans un pays où qu'il y a la peste, trois choses mentionnées. Alors premièrement, il patiente. Deuxièmement, il espère la récompense. Et troisièmement, qu'il sache que rien ne saurait l'atteindre si c'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a prédestinée. Et s'il observe ces trois choses, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors pour cela, il aura la récompense d'un martyr. S'il observe cela, sans qu'il n'ait pour cela la récompense d'un martyr, c'est-à-dire qu'il obtiendra la récompense du martyr. Donc voyez, le fait de se confiner, le fait de se préserver des différentes épidémies qui peuvent sévir dans les pays, alors cela c'est quelque chose qui était à la base légiféré. C'est quelque chose de légiféré dans notre religion. C'est pour ça qu'on trouve que les salafs ont observé cela. Il nous a rapporté une histoire d'après Masruq. Masruq était un grand tabi'i. C'est une personne qui a vécu à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Il est décédé un peu après la moitié du premier siècle de l'Hégire. Lui, il est rapporté que lorsqu'il était petit, il a embrassé l'islam alors que le prophète, alayhi salam, était vivant. Mais il ne l'a pas vu, il ne l'a pas rencontré. Il a vécu à l'époque des compagnons. Lorsqu'il était jeune, il est venu à Médine pendant la période des compagnons. C'est pour cela qu'il est considéré parmi les plus grands tabi'in. Et Masruq a appris la science, il a appris la religion auprès de grands compagnons. En l'occurrence, il a appris la religion aussi auprès de Aïcha, la mère des croyants. Et c'est pour cela qu'il a rapporté que Aïcha considérait énormément Masruq. Et Masrouk avait énormément, énormément de considération pour notre mère Aïcha, jusqu'à ce qu'il était surnommé, tellement qu'il avait de la considération pour Aïcha. Alors, il était surnommé, il avait une kunya qui était Abu Aïcha. Abu Aïcha. Masrouk, qui a vécu donc à l'époque des compagnons du prophète, il est rapporté que pendant sa période, il a vécu une période de peste. Donc, il y avait la propagation d'une épidémie de peste. Et il est rapporté que justement, il a dit en ce moment-là, en période de préoccupation comme celle-ci, j'aime m'isoler pour l'adoration. Donc, كان مسروق رحمه الله ورضي الله تعالى عنه فكان يتنحى فيخلو للعبادة. Donc, lui, il se retirait et il s'isolait. Il profitait de ces instants-là, de cette opportunité-là, pour adorer Allah en période d'épidémie. Et jusqu'à ce qu'il ait rapporté que son épouse, فقالت زوجته, elle dit, فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسي وكان يصلي حتى يتورم قدمه. Et son épouse, elle témoigne, elle disait, فربما جلست خلفه. Parfois, elle disait, je m'asseyais derrière lui en ces périodes-là. Et elle disait, je pleurais. Elle pleurait. Lorsqu'elle voyait cette manière, ce que faisait Masrouk de lui-même, tellement il était dévoué dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient gonflés. Ils étaient onflés tellement qu'il priait et qu'il était dans l'adoration. Donc voilà Masrouk, qui est décédé en 62 de l'Hégire, parmi l'un des plus grands imams de son temps, jusqu'à ce qu'un grand imam spécialiste du hadith, l'imam Sha'bi, il disait de Masrouk, il disait qu'il ne connaît aucun étudiant de tous les horizons qui soit plus grand que Masrouk. C'est-à-dire qu'il disait qu'il ne connaissait pas de plus grand talab al-ilm si ce n'était Masrouk. Et Masrouk donc était une grande référence de son temps, et ben lui se confinait en période d'épidémie. C'est pour ça qu'il nous est rapporté aussi une recommandation d'un grand savant connu qui est Ibn Qudama. Le grand savant Ibn Qudama, qui était d'obédience hanbalite, un jour il fait une recommandation à l'un de ses frères. Et ça, vous pouvez retrouver cette recommandation dans Kitab Al-Wasiyatul Mubaraka. Al-Wasiyatul Mubaraka, l'Ibn Qudama. Donc Ibn Qudama, il est rapporté qu'il fait une recommandation à l'un de ses frères en lui disant wa'lam anna man huwa fil bahr 'ala al-lawhi laysa bi ahwaji ila Allah wa ila lutfihi min man huwa fi baytihi bayna ahlihi wa malihi fa idha haqaqta hadha fi qalbik fa'tamid 'ala Allah i'timad al-ghariq alladhi la yu'lamu lahu sabab najatin ghayra Allah jalla jalaluhu. C'est une parole très exhortante du fait que c'est une exhortation très précieuse. Regardez, il dit, sache, alors il fait cette recommandation à son frère en lui disant, sache que il n'y a pas une personne qui est en mer, en pleine mer, qui est en train de se noyer. Donc il va donner l'exemple d'une personne qui est en pleine mer et en train de se noyer, et donc qui va s'agripper, s'attacher forcément à un bout de bois ou bien une planche de bois. Et bien il dit, cette personne n'est pas forcément plus dans le besoin d'Allah que la personne qui est chez lui, auprès des siens et de ses biens. C'est-à-dire que dans cette recommandation, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, il veut dire que celui qui est chez lui, auprès de ses biens et des siens, il a autant besoin de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui est en train de se noyer en pleine mer. Du fait qu'il dit, إِذَا حَقَقْتَ هَذَا فِي قَلْبِكَ فَاعْتَبِدْ عَلَى اللَّهِ اعْتِمَادَ الْغَلِيقَ. Il dit, si tu réalises cela, tu comprends cela dans ton cœur, alors il dit, attache-toi à Allah comme cette personne qui est en pleine mer et qui est en train de se noyer s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala du fait que personne ne pourrait le sauver de ce malheur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une recommandation qui est immense, du fait que ici il donne l'exemple d'une personne qui est en mer, en pleine mer, et qui est en train de se noyer, et nul ne saurait le secourir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il nous fait cette recommandation en disant que celui qui est chez lui, avec les siens, avec ses proches et avec ses biens, il a autant besoin de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, il doit s'attacher à Allah comme cette personne qui revient là alors qu'il est en train de se noyer en pleine mer et qui est grippé, attaché à une planche de bois. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a personne qui pourrait le sauver si ce n'est Allah. Et donc ça nous donne l'importance. Ça nous donne l'importance en période de confinement de saisir l'occasion pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, comme on l'a dit précédemment, les personnes se plaignaient de ne pas avoir de temps. Aujourd'hui, ils ont du temps pour adorer Allah, pour se repentir, pour revenir vers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour préparer leur vie de l'au-delà. C'est pour cela que celui qui vit mal ce confinement, le croyant va bien vivre ce confinement lorsqu'il va savoir que cela est une miséricorde, une clémence de la part d'Allah, que c'est une occasion, c'est une opportunité, c'est un cadeau de la part d'Allah de lui donner ces instants de vie pour pouvoir se rapprocher d'Allah et réaliser le but et l'objectif pour lequel il nous a créé, subhanahu wa ta'ala. Le non-croyant, lui, risque de mal vivre cette épreuve et ce confinement du fait qu'il n'a pas cette croyance-là. Donc lui risque de vivre cela comme un emprisonnement, il risque de mal vivre cela. Par contre, lui le croyant, lui doit bien vivre cela. Il sait que c'est une miséricorde. C'est pour ça que les musulmans, surtout qui vivent dans des pays non musulmans, ils doivent faire montrer aux non musulmans que eux, cela, ils le vivent bien. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils considèrent que c'est une opportunité, comme on l'a dit précédemment. À plus forte raison, le croyant qui vit mal ce confinement, alors qu'il est entouré de bienfaits, alors qu'il est chez lui auprès des siens, alors qu'il est chez lui avec sa subsistance, du matin et du soir, il a cette subsistance, il a quoi boire, il a quoi manger, il est en toute sécurité, il a la santé pour pouvoir adorer son Seigneur, pour pouvoir se prosterner, pour pouvoir l'invoquer, pour pouvoir l'adorer. Il a cette santé-là, l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le croyant vit mal ce confinement, alors comment il va vivre le jour où il devra rentrer dans sa tombe, le jour où il sera entré dans sa tombe, le jour où il va aller dans l'au-delà? Pourquoi ? Parce que la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Comment est-ce qu'il va vivre cela ? Le jour où il sera enfoui, enterré, le jour où la terre sera mise sur lui, le jour où ses proches vont le quitter, le jour où il va quitter ses biens, ses bien-aimés, tous ses proches parents, le jour où il va se retrouver seul. Ça, c'est une réalité, une vérité qui est inéluctable. Chacun va goûter à cette mort. Là, personne n'y échappera. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de ce virus, de cette pandémie qui se propage. Mais sachez que les causes de la mort sont nombreuses et diverses. L'être humain est sans cesse confronté à la mort et exposé à la mort. Donc il y a beaucoup de causes pour la mort. Il n'y a pas que ce virus. L'être humain est constamment exposé à la mort, que ce soit des maladies subites, comme elles sont abondantes à l'heure actuelle, des infarctus, les arrêts cardiaques. Les gens sont confrontés à différentes formes de cancer qui sont dévastateurs. Les gens sont confrontés aux accidents de la route. Donc l'être humain constamment, il est exposé au danger de la mort, que ce soit ce virus, cette épidémie ou d'autres. Donc c'est pour cela que lui, le croyant, il a toujours ça en tête. Si le croyant vit mal ce confinement, alors comment il va vivre le jour où il sera entré, il sera enterré, il sera mis dans sa tombe? À savoir que la tombe, c'est un jardin, soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un fossé parmi les fossés de l'enfer. Et à savoir que dans la tombe, il y a un châtiment, mais aussi il y a une félicité. À savoir qu'il y aura el fitna, l'épreuve de la tombe. C'est pour cela que ces instants qu'on vit, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont morts, qui sont enterrés, aimeraient être à la place de ces gens qui vivent à cette époque et qui ont ces instants-là, vivent ces instants-là pour pouvoir se rattraper et pour pouvoir faire son autocritique et bien agir dans ce qu'il nous reste de temps à vivre. Comme disait un grand imam, Ahsin ma baqiya min umrik, yughfaru laka ma mada min umrika. Sois bon dans ce qu'il te reste de temps à vivre, il te sera pardonné ce qui est passé comme temps. Donc il suffit d'être bon dans le présent et on peut améliorer tout ce qui était mauvais dans notre passé. Voire même que les erreurs du passé et les péchés du passé et les fautes du passé, on peut les changer, elles peuvent être changées et transformées en bonnes actions, en hasanat. La miséricorde d'Allah est immense, on ne saurait l'imaginer. C'est pour cela que il faut se faire le rappel de cela, et c'est un bienfait pour le croyant, pour les croyantes, de vivre cela. Sachez que seul Allah le sait, mais cette épidémie-là n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-a'lam, lui seul le sait. Mais les gens risquent d'être éprouvés ensuite par d'autres épreuves. Donc ceux qui sortiront indemnes de cette épreuve, ensuite viendront d'autres épreuves si Allah le veut et le décide et le décrète. Donc c'est pour cela que le musulman, quoi qu'il arrive, doit toujours se préparer. Et ça, c'est une occasion, comme on l'a dit précédemment. Donc, il faut bien vivre cela. Il faut reconnaître les bienfaits d'Allah. Surtout ceux qui peuvent se confiner dans des foyers, qui vivent en sécurité. Sachez qu'il y a des terres où les gens ne connaissent pas la sécurité. Ce sont des terres qui sont des pays qui sont en guerre. Des pays où parfois sont éprouvés par la sécheresse, par la famine, par le manque d'aliments, le manque de nourriture. Et celui donc qui vit dans un pays où il a sa subsistance, qui vit en toute sécurité, qui est avec ses proches, qui est avec sa famille, qui a la santé, alors il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in shakartum la azidannakum. Et Allah nous dit, wala in shakartum, si vous remerciez, je vous rajouterai. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. C'est pour cela que c'est une occasion qui est immense, qu'il faut saisir. Regardez à l'époque, un grand imam, l'imam Sofiane al-Thawri, qui est né en 97 de l'Hégire et décédé en 161 de l'Hégire. Donc il est né à la fin du 1er siècle. À la fin du 1er siècle. Donc il décédera un peu après le milieu du 2e siècle. Regardez comment il va décrire son époque. Une grande exhortation. Il va décrire son époque comme étant, comme disant, « Hada zaman al-sukut. Hada zaman al-sukut wa luzum al-buyut wa rida bil-qut ila antamut. » Ça, c'est une époque de silence. Et le fait de rejoindre sa demeure, sa maison, et d'être satisfait de sa subsistance jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Donc regardez comment ce grand imam Sofiane al-Thawri, qui est mort au milieu à peu près du 2e siècle, donc cette exhortation, cette parole, elle date de siècles et de siècles, il décrivait sa période et son époque comme étant une époque de silence, qu'il faut garder le silence. Une époque où il faut rejoindre sa demeure, l'uzum al-buyut, et être satisfait de son coût, de son alimentation, de sa subsistance, jusqu'à ce que la mort atteigne cette personne. Et on voit que Sofiane al-Thawri, ses paroles sont en conformité avec un hadith, une recommandation du prophète Ansem qui est immense. Et justement, un jour, un compagnon a demandé une recommandation au prophète, alayhi salat wa salam. Et le prophète lui a fait une recommandation qui est immense, en lui disant Amsik alayka lisanak, amsik alayka lisanak, wa liyasa'aka baytuk wa abki ala khati'atik. Le prophète lui dit, retiens ta langue, tiens ta langue, et que ta maison, ta demeure te suffise et pleure tes péchés. Donc on voit bien que le prophète, dans ce récit, nous exhorte à revenir vers nos demeures. Au fait que nos demeures, notre maison, nous suffisent. Donc, c'est un bienfait de la part d'Allah, le fait que la personne, se recueille chez lui, s'isole chez lui, essaye de rattraper ses manquements, être fervent dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un bienfait qui est immense. À savoir que, comme on a dit précédemment, dans beaucoup d'époques, il y a eu des épidémies. Et ça, c'est des choses qu'Allah Jalla wa Ala a décrété. Ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des épreuves. Vous regardez déjà à l'époque des compagnons, comme on l'a dit précédemment, en l'an 18 de l'Hégire, il y a eu une épidémie qu'on a dit qui s'appelait Imawas. Une épidémie qui s'appelait Imawas. Et cette épidémie, c'était une épidémie qui a commencé en terre de Palestine. dans cette région qui s'appelait Emmaüs. C'était un lieu qui était entre Jérusalem, et Ramallah. Et c'était à l'époque des compagnons, à l'époque du califat de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et ensuite, elle s'est propagée jusqu'au Cham. Et beaucoup de compagnons sont morts de cette peste qui était dévastatrice. En l'occurrence, il y a eu le grand compagnon Ubaïda, qui faisait partie des 10 compagnons annoncés au paradis. Il y a eu la mort de Mu'ad ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, qui était le plus connaisseur concernant le domaine des questions du halal et du haram, et d'autres. Et il nous a rapporté, certains historiens nous rapportent, qu'il y avait le grand compagnon Amr ibn al-As. Lorsqu'il a vu la propagation de cette peste qui venait de Palestine, qui se propageait vers Damas, vers la Syrie actuelle, alors lui, il s'est abrité, il s'est réfugié dans les hauteurs d'une montagne, dans un endroit élevé, vers les hauteurs d'une montagne, et donc il s'est réfugié à cet endroit-là, il s'est isolé, en attendant l'accalmie et la cessation de cette peste et de cette épidémie. Jusqu'à ce qu'ensuite qu'il fût épargné, et ensuite lorsqu'il y a eu cessation de cette épidémie, il a pu redescendre. Donc regardez, on a encore une preuve aussi que dans les premières générations, ils s'isolaient lorsqu'il y avait des épidémies qui s'exhibissaient. Et cela prouve aussi que déjà, dans ces générations-là, donc il y a eu des épidémies qui se sont propagées. Par exemple, cette épidémie, comme on a dit, qui s'est nommée par rapport au nom du lieu où a commencé la propagation de cette peste-là, en l'an 18, c'était à peu près, ça donne l'an 640 de l'Égypte à peu près. Plus tard, à l'époque aussi, il y a eu une autre peste qui s'est propagée. Donc ça, c'est les différentes épidémies qui se sont propagées à l'époque, dans l'histoire islamique, dans l'histoire de l'islam. À l'époque, c'est à l'époque de Abdallah ibn Zubayr, ce compagnon. Il y a eu une pandémie qui s'est propagée en terre de Al-Basra, en Irak, qui s'appelait Tarun al-Jarif. Tarun al-Jarif. Elle a été appelée comme ça du fait du grand nombre de morts qu'elle a occasionné. Donc c'était une cause d'un grand nombre de morts. Et pour cela, elle a été appelée Tarun al-Jarif. Plus tard, en 87 de l'Égypte aussi, il va y avoir une autre peste qui s'est propagée. À l'époque, donc vous avez vu, il y a eu des pestes qui se sont propagées à l'époque de l'Empire Abbaside, à l'époque de l'Empire Omeyyade avant eux, à l'époque de l'Empire Omeyyade par exemple. Tarun al-Fatayat, cette qui était appelée Tarun al-Fatayat, ou bien Tarun al-Ashraf, Tarun al-Fatayat, ou al-Ashraf. Et ça, c'était en 87 de l'Égypte. Pourquoi elle était appelée la peste d'Al-Fatayat? Pourquoi? Parce qu'au départ, elle touchait les filles, elle touchait les femmes, cette peste-là, et plus tard, elle a touché les hommes. Pour cela, certains historiens l'ont appelée Tarun al-Fatayat. Aussi, elle a été appelée Tarun al-Ashraf. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup touché les élites de la société, des notables, des gens qui avaient un haut rang dans la société. Elle a touché beaucoup d'entre eux, donc elle a été nommée aussi Tarun al-Ashraf. Plus tard, en 131 de l'Égypte, il va y avoir aussi une autre peste, une grande épidémie qui va se propager. Donc là, on est dans la fin de l'ère de la dynastie des Omeyyades. C'est la Tarun, la peste qu'ils ont appelée Muslim ibn Qutayba. La Tarun de Muslim ibn Qutayba, qui s'est propagée en 131 de l'Égypte. Pourquoi elle était appelée comme cela? Parce que certains historiens disent que le premier qui a été touché par celle-ci, c'était Muslim ibn Qutayba. De ce fait, ensuite, elle a été nommée de la sorte et elle a pris son nom. Et ça, c'était, comme on l'a dit, en 131 de l'Égypte. Donc ça, c'était à la fin de l'ère des Omeyyades. C'est pour cela qu'il y a eu des Tarun à l'époque des pestes, à l'époque des compagnons, à l'époque de l'Empire et de la dynastie Omeyyade, comme il y a eu des pestes aussi célèbres à l'époque de l'Empire Abbaside, comme c'est célèbre en l'an 656 de l'Égypte, lorsqu'il y a eu la tombée et la chute du dernier calife Abbaside, donc c'est la chute du califat, et donc de l'Empire Abbaside, lorsqu'il y a eu cette invasion des Mongols à Bagdad. Et plus tard, après cela, il y aura une grande épidémie qui va se propager, qui va être la cause de nombreux morts. Donc ça, c'était à la fin de l'ère, après la chute de l'Empire Abbaside. Il y aura même ensuite des épidémies qui vont se propager en Afrique du Nord, pendant le règne de l'empire al-Murabitin. Ensuite, après eux, il y aura le règne de l'empire des al-Muwahhidin. Donc, il y aura des épidémies qui vont se propager, que ce soit en Afrique du Nord, au Maghreb, que ce soit en Andalousie, donc des épidémies célèbres qui vont se propager. Donc ça, c'est connu. Les épidémies qui se propagent, c'est connu, ça fait partie des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des choses qu'il faut méditer, c'est un rappel. Allah nous réveille, il réveille les inconsciences qui sont plongées dans le coma de l'inconscience. Allah réveille et nous donne cette opportunité de se réveiller, de se faire le rappel, de se rappeler du but et l'objectif pour lequel il a été créé. Et plus d'une manière plus générale, mondialement, aussi il y a eu des pandémies et des épidémies qui étaient célèbres, comme lorsque s'est propagé le choléra, lorsque la propagation de la fièvre espagnole, lorsque la propagation du typhus, par exemple, de la variole, l'épidémie l'épreuve aussi du sida. Tout ça, mondialement, c'était connu, c'est des épidémies qui sont connues. Donc, c'est des épreuves et le croyant doit endurer cela. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas sombrer beaucoup. Beaucoup, parfois, diffusent des choses qui ne sont pas confirmées. Il faut confirmer parfois lorsqu'on diffuse des informations, puisque on voit que certains athées aiment bien propager des idées, et surtout des idées qu'on appelle les théories complotistes. Alors certains, lorsqu'il y a une pluie dévastatrice, des pluies diluviennes qui sont dévastatrices, des vents qui sont dévastateurs, lorsqu'il y a des volcans, lorsqu'il y a des tremblements de terre, tout cela, Allah Jalla wa Ala a créé tout cela et Allah a prédestiné tout cela. Allah est le créateur de cela et c'est Allah Jalla wa Ala qui a décidé, qui a voulu que ces choses se produisent, puisqu'il est le maître de cet univers. Alors il y a des gens qui cherchent toujours des causes. Alors, soit leurs causes, ce sont des complots, des machinations machiavéliques d'État dominant, une conspiration d'État dominant, etc. Toujours il y aurait des coups montés. Et beaucoup de ces idées qui sont véhiculées, faites attention, parfois c'est beaucoup les idées, c'est des athées qui sont à la tête de ces idées. Pourquoi? Parce qu'eux renient tout ce qui rentre dans le domaine de la punition divine, du châtiment divin, de l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à cela. Donc eux cherchent toujours des causes, des raisons. Donc c'est pour eux soit la nature, soit c'est dû à des complots d'États dominants, des conspirations, des machinations, des choses qui font partie de coups, etc. Et c'est pour cela que le croyant fait attention à ce qu'il véhicule, à ce qu'il propage. Beaucoup ont relié cela dans les réseaux sociaux, et alors que on sait que tout cela est connu dans l'histoire, le fait que des pandémies, des épidémies se sont propagées, ça fait partie des épreuves. Par contre, le musulman ne renie pas le fait qu'il y a des complots, que des États qui sont dominants rusent et complotent et conspirent. Ça, cela est connu. Les complots à grande échelle d'États, ces conspirations-là, des gens, par exemple, qui vont essayer de par rapport à ce malheur que vivent les gens, de tirer l'épingle du jeu, comme on dit, de trouver un profit dans cela, par exemple, tirer un profit dans cela pour gagner de l'argent d'une manière économique et financière. Bien sûr, il y a beaucoup de gens, il y a des États qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu d'une manière financière et utiliser justement le malheur des gens pour amasser des biens et amasser de l'argent. Ça, c'est connu. Mais il ne faut pas propager des choses dont on n'en a pas la certitude, dont on n'est pas sûr. Ce qu'on sait, que c'est lorsqu'il y a des calamités, des malheurs qui s'abattent, tout cela a été destiné de la part, prédestiné et décrété de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Et pour cela, pour conclure, pour être bref, donc pour revenir à notre sujet du livre qu'on va étudier, l'authentique, une partie du livre de l'authentique de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Donc justement, le fait que les personnes soient confinées chez eux, parmi les bonnes adorations, parmi les plus grandes adorations, le fait d'apprendre sa religion, le fait de faire talab al-ilm, c'est une occasion. Pour cela, on va essayer, avec la permission d'Allah, et wa nasta'in billah subhanahu wa ta'ala, en implorant son aide, on va essayer justement d'apprendre, de comprendre ces hadiths qu'a recueilli l'imam al-Bukhari concernant le domaine qu'on va étudier, le domaine du tawhid. En ce qui concerne la biographie de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, donc le fait que c'est une référence dans notre communauté, et sa biographie est célèbre, de nombreux auteurs ont écrit et rédigé des biographies, certaines ont même été traduites en langue française. Donc on va faire un bref aperçu de la biographie, une biographie qui sera brève, Inch'Allah, en mentionnant sa date de naissance, sa date de décès pour se situer dans le temps. Et ensuite, on commencera, Inch'Allah, l'étude du livre de l'unicité qui est dans l'authentique de l'imam, dans le Jami' al-Sahih de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Donc, l'imam al-Bukhari se nommait Abu Abdillah. Il s'appelait Abu Abdillah, c'était sa kunya. Et son prénom, c'était Mohammed. Il s'appelait Mohammed, le fils d'Ismaïl. Le fils de Ibrahim, le fils de Al-Mughira. Donc, où l'imam al-Kabir al-Hafidh al-Muhaddith, Abu Abdillah Mohammed ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira. Et dans sa généalogie, vous voyez qu'il est dit Al-Ju'fi. Al-Ju'fi. Pourquoi? Parce que il est rapporté que Al-Ju'fi, du fait que le père de son grand-père, donc le père du grand-père du grand imam al-Bukhari, à la base, était Majus. C'était un Mazdéa, un Majus. Et il est rapporté qu'il a embrassé l'islam et s'est converti à l'islam par le biais d'un homme qui s'appelait Al-Yamani Al-Ju'fi. Al-Yamani Al-Ju'fi. Fa'aslama ala yadi Al-Yamani Al-Ju'fi, qui était lui-même Al-Yamani Al-Ju'fi. Cet homme-là, c'était le gouverneur de cette région qui s'appelait Al-Bukhara. Bukhara. De ce fait, plus tard, l'imam al-Bukhari sera affilié, apparenté à cette région-là, du fait qu'il a naquit dans cette région. Et de ce fait, on voit dans sa généalogie Al-Ju'fi, comme on l'a expliqué précédemment, parce qu'il est mentionné que le père de son grand-père avait embrassé l'islam par le biais de cet homme Al-Yamani Al-Ju'fi, qui était le gouverneur de Bukhara, et plus tard donc il sera affilié à lui. فَنُسِبَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مَوْلَاهُ مِنْ فَوْقَ. Et c'est pour ça qu'on va dans sa généalogie Al-Ju'fi. Voici la cause. Le père de l'imam al-Bukhari aussi avait étudié la science et était en quête de savoir, et il étudiait la science. Lui-même, l'imam al-Bukhari, relate et il dit de son père que son père avait écouté, il avait pris la science de Malik ibn Anas. فقال الإمام البخاري سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح من المبارك بكلتا يدي. Donc l'imam al-Bukhari, il est rapporté que il dit plutôt que son père avait rencontré Malik ibn Anas, plutôt le grand imam, l'imam Malik, et aussi il avait vu le grand imam Hamad ibn Zayd, et il dit que son père avait même serré la main à l'éminent savant, l'une des grandes références dans les premiers siècles, Abdallah ibn al-Mubarak. Mais malheureusement, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il était dans sa tendre enfance, il était orphelin. Son père est mort tôt. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari était orphelin de son père. Fa wulida al-imam al-Bukhari, pour cela qu'il est rapporté qu'il est depuis sa tendre enfance, il était orphelin de son père. Et lui, l'imam al-Bukhari, est né en 194 de l'Hégire. Et il décédera en 256 de l'Hégire. Et comme vous pouvez voir dans sa biographie, l'imam al-Bukhari s'est distingué très tôt par son intelligence, par sa mémorisation qui était hors du commun. Ça lui a valu l'éloge de nombreux grands savants, l'éloge de nombreuses grandes références de notre communauté. C'est pour cela que Ishaq ibn Rahawai, qui à son époque, l'imam Bukhari était jeune, à l'époque de Ishaq ibn Rahawai, ce grand imam, et bien malgré cela, Ishaq ibn Rahawai, ce grand imam, il disait « Uktubu an hada shab », écrivez d'après ce jeune homme. Il sous-entendait al-Bukhari. فَلَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَسَنِ لَحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ. Et Ishaq disait, si l'imam al-Bukhari avait vécu à l'époque de l'Hassan, les gens de cette époque-là, auraient eu besoin de lui. لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَدِيثِ وَفِقِهِ. par rapport à sa connaissance du hadith et de la jurisprudence. L'imam Ahmed disait au sujet de l'imam al-Bukhari, ma akhrajat Khurasan mithl Muhammad ibn Ismail. Il dit personne n'est sorti de Khurasan comme Muhammad ibn Ismail. Wa kana ulama Makkah yaqulun. Et les grands savants de Mecca, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'imam al-Bukhari était jeune, alors il avait fait un voyage avec sa mère et son frère vers la Mecque. Et ils avaient même accompli à cette époque-là le pèlerinage, alors que l'imam al-Bukhari était jeune. Et ensuite, après ce hajj-là, sa mère s'en alla avec son frère, avec le frère de l'imam al-Bukhari, et lui est resté à la Mecque. Donc il a appris auprès des grands savants de la Mecque. Et lui déjà, à l'époque, l'imam al-Bukhari était connu pour sa maîtrise du hadith, sa mémoire exceptionnelle et hors du commun. Et pour cela, il est rapporté que les savants de la Mecque disaient à son sujet « Muhammad ibn Ismail, imamuna wa faqihuna wa faqihu Khurasan ». Il disait à son sujet, l'imam Muhammad ibn Ismail, c'est notre imam, c'est notre juriste et c'est le juriste de Khurasan. Regardez cet éloge. Et un homme disait, Muhammad ibn Abi Hatim, cet homme a rapporté, d'après Mahmoud Abu Sahlin al-Shafi'i, que cet homme Abu Sahl al-Shafi'i a dit au sujet de l'imam al-Bukhari. Il dit, دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. Il dit, cet homme, je suis allé à cette région de Al-Basra en Irak. J'ai visité le Sham, j'ai visité la péninsule arabique, j'ai visité Al-Kufa. Et chaque savant que j'ai vu dans ces régions-là, dans ces différentes contrées, tous préféraient Mohammed ibn Ismail, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari, à leur propre personne. Il dit à leur propre personne. Donc ça, c'est des témoignages qui sont immenses de la part de ces illustres savants. Jusqu'à ce qu'un grand savant à l'époque, qui avait vu l'imam al-Bukhari, il lui fait l'éloge en disant « La a'lamu anni ra'aytu mithla ». Il dit « Je ne me rappelle pas que j'ai vu un homme comme lui ». كأنه لم يخلق إلا للحديث. Il disait, c'est comme si cet homme, en sous-entendant l'imam al-Bukhari, c'est comme s'il avait été créé que pour le hadith. Subhanallah. Et c'est pour cela que il est rapporté que Abu Isa al-Tirmidhi, l'illustre sahib al-Sunan, l'imam al-Tirmidhi, il disait, لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد Ibn Ismail. L'imam al-Tirmidhi disait, je n'ai ni vu en Irak, ni en terre de Khurasan, quelqu'un comme l'imam al-Bukhari dans le domaine des ilal, dans le domaine de l'histoire et la connaissance des chaînes de transmission. Il dit, je ne connais pas plus savant que Muhammad ibn Ismail. Donc voilà quelques éloges de grands imams et grandes références de notre communauté à l'encontre, à l'égard de ce grand imam Al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. C'est pour ça que ça sera un honneur pour nous d'étudier une partie de l'authentique de Jami' al-Sahih de l'Imam al-Bukhari consacré au domaine du tawhid, du monothéisme. Donc on continuera, Inch'Allah, dans une prochaine assise ou allocution plutôt, dans une prochaine allocution. Wa nas'Allah Jalla wa Ala al-Thabat wa al-Tawfiq, kama nas'aluhu Jalla wa Ala أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والله تبارك وتعالى والأعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين